sur les vitraux du train, comme sur tes joues les gouttes ne sèchent pas mais se cachent. Tu sais bien qu'elles reviendront demain, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Juste fermer les yeux. Pleure encore, ne t'arrête pas. Comme ça peut-être tu t'habitueras. J'ai beau te guetter du regard, dans tous les wagons tu ne seras jamais là. J'ai beau rester par là, je ne serai jamais celui qui te consolera. Pleure encore, ne t'arrête pas. Comme ça peut-être tu t'habitueras.